Chapitre 4e, nouveau plan. L'examen post-mortem prouva que la mort de M. Francis Tate était due à la rupture d'un anévrisme. On avait soupçonné dans sa jeunesse qu'il était sujet à cette maladie, mais les symptômes ayant depuis longtemps disparu, on ne s'en était plus occupé. Avec lui s'éteignaient naturellement tous ses moyens d'existence et sa famille restait presque sans ressources. Mme Tate ne jouissant que d'une rente viagère de 1 200 francs. Les enfants étaient en partie élevés. Jane était mariée. Francis gagnait sa vie comme sous-maître. Il fallait payer 200 francs par an pour la pension de Marguerite. Robert seul restait entièrement à la charge de sa mère. Le décès avait lieu en juillet. Au mois d'octobre, la maison devait être vacante. « Vous n'aurez pas à chercher d'appartement, ma mère, » avait dit amicalement M. Haliburton à Mme Tate. « Vous permettrez à Jane et à moi de vous recevoir chez nous. »« Oui, Edgar, » avait aussitôt répondu Mme Tate. « Ce sera le meilleur plan. Les meubles de la maison deviendront les vôtres et vous me prendrez chez vous avec tous mes chagrins. » »« J'y ai beaucoup réfléchi et je ne puis arriver à aucune autre conclusion. » »« Je n'ai aucun droit sur vos meubles, ma chère mère, et Jane n'en a pas plus que vos autres enfants. Si vous le désirez, ils seront transportés chez nous, mais je vous les paierai, ou bien ils resteront votre propriété. » M. Haliburton resta ferme dans sa décision. En effet, les cadets de la famille auraient pu, s'ils l'avaient cédé, lui reprocher plus tard de s'être emparé de leurs biens. Une maison convenable fut louée. Le mobilier fut inventorié et M. Haliburton l'acheta. Mais Mme Tate refusa positivement d'accepter plus des 3/4 du prix, déclarant que le reste appartenait à Jane. Puis M. et Mme Haliburton, Mme Tate, Robert et les deux domestiques quittèrent la vieille demeure habitée tant d'années. « Crois-tu raisonnable, ma chère, de garder les deux servantes ?» demanda Mme Tate à Jane. Jane rougit. « Nous pourrions bien n'en garder qu'une, maman, mais le moment va arriver où je serai bien aise d'en avoir deux. D'ailleurs, Suzanne et Marie sont si bonnes filles que je n'aimerais pas m'en séparer. Et puis, tu y es accoutumée, maman. »« Ah, mon enfant, je sais que dans tous vos plans et projets, Edgar et toi, vous consultez toujours mes goûts. « Sais-tu à quoi je pensais hier soir dans mon lit ? À quoi donc, maman ?»« Quand M. Haliburton te demanda, ton pauvre père et moi nous hésitâmes. Il nous semblait que tu aurais pu faire un plus riche mariage, mais je me disais hier au soir, qu'aurions-nous fait sans lui dans notre malheur ?»« Oui, » dit Jane avec douceur, « les choses qui nous paraissent les plus fâcheuses tournent quelquefois à notre plus grand bien. Dieu dirige tous les événements, maman. » Quelques semaines après la nouvelle installation, une contestation s'éleva au sujet de Robert. Celui-ci n'avait jamais aimé les livres. M. Tate avait désiré que ses deux filles s'entrassent dans l'église. Robert ne s'y était jamais ouvertement opposé, mais il avait peur de l'étude et de l'application. Silencieux tant que son père avait vécu, il saisissait maintenant toutes les occasions de témoigner à sa mère son peu de vocation pour la carrière pastorale. « Tu sais, maman, » dit-il un jour en s'établissant près de sa mère et de Jane, et en se caressant la jambe, c'était sa posture favorite. « Je n'y mordrai jamais. »« Mordre à quoi, Robert ?» demanda Mme Tate. « Mais à ces ennuis classiques, moi je ne me ferai jamais professeur comme M. Haliburton ou Francis. Quant à devenir pasteur, il n'y faut plus songer. Qu'est-ce qui me fournirait l'argent nécessaire ?»« Que deviendras-tu donc ?» s'écria Mme Tate. « Je ne le sais pas mieux que toi, Robert. » En outre, continua Robert en baissant la voix pour mieux faire écouter son meilleur argument. « Il faut bien que je fasse quelque chose. Ici, je vis aux dépens de M. Haliburton. »« Il est enchanté de t'avoir, Robert, » interrompit Jane. « Maman, paix. Restez tranquille, Madame Jane. Comment pouvez-vous parler ainsi contre les intérêts de votre mari ?»« L'autre jour, madame, je vous ai entendu dire aux enfants de l'école que c'était un péché de perdre son temps. »« Eh bien, » demanda Jane, « eh bien, il paraît que ce qui est un péché pour autrui ne l'est pas pour moi. »« Tu ne perds pas ton temps, Robert. » »« Si fait. » Et si tu avais le bon sens dont les gens te croient doué, Madame Jane, tu le verrais tout comme moi. Je ne gagnerais jamais dans l'enseignement de commettre du sel dans ma soupe et, voyons, dites-moi si vous voyez quelque possibilité que j'entre dans le ministère. À présent, je n'en vois pas, avoua Jane. C'est cela. Alors n'est-ce pas perdre mon temps que de continuer à étudier pour une profession que je n'embrasserai jamais? Mais que pourras-tu faire d'autre, Robert? Dit Madame Tate. « Tu ne peux pourtant pas rester à la maison, ni courir les rues toute la journée. Non, non. Mieux vaudrait rester toute ma vie au collège. Je voudrais voir le monde, mère. »« Voir le monde ?» répéta Mme Tate, stupéfaite. Et Jane, levant les yeux, regarda son frère. C'est parfaitement naturel, dit Robert avec calme. J'ai reçu une invitation pour aller passer les vacances dans le Yorkshire. Et quoi faire? Cria Madame Tate. Oh, des masses de choses, aller à la chasse. Tu n'as jamais de tabilité à cheval, Robert, dit Jane en riant. Tu reviendras la cervelle brisée. Fais-moi le plaisir de te taire, Jane, fit Robert d'un ton piqué. C'est à maman que je parle, et non à toi. La cour m'a engagé à passer les congés de Noël au château de son père, et je voudrais y aller, mère. Je voudrais que tu me promettes que je ne retournerai pas au collège après les vacances. Je ferai tout ce que tu voudras d'autre. Je me ferai commis, clerc de notaire, apprenti médecin, quoi que ce soit, plutôt que de rester sur ces sempiternels bouquins. J'en suis malade. Robert, tu m'ôtes la respiration, prononça la femme à Madame Tate. Je n'ai aucune recommandation. Je ne pourrais te faire entrer dans aucune de ces places. Monsieur Liberton le pourrait. Il connaît tant de gens. Jane, parle-lui-en. Il fera tout ce que tu voudras. Cette conversation fut suivie de nombreuses discussions. Tous reconnaissant qu'il était inutile que Robert continuât ses études, on lui permit d'accepter l'invitation de son ami, et comme il revint du Yorkshire sans s'être rompu la cervelle, Monsieur Liberton réussit à le placer dans une maison de commerce en gros. Robert parut s'y plaire dans le commencement et venait régulièrement passer le dimanche avec sa famille. Il pourra devenir avec le temps un des princes du commerce, disait Monsieur Liberton à sa femme, si seulement. Si quoi? Pourquoi hésites-tu? S'il persévère, allais-je dire. Mais je crains bien, Jane, que la persévérance ne soit pas au nombre des qualités de Robert. L'avenir seul devait le prouver.